secret d'État explosif. 7000 pages qui racontent 30 ans de mensonges de la Maison Blanche. Deux journalistes prêts à tout pour la vérité. C'est légal, ça ? Meryl Streep, Tom Hanks, Pentagon Papers, publier ou se taire. Si nous, on leur demande pas des comptes, qui le fera ? Pentagon Papers, le film événement de Steven Spielberg, actuellement au cinéma. Un film Europe 1. Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Dans le calendrier catholique, ce 24 janvier est le jour de la Saint-François de Sales, l'occasion pour Franck Ferrand d'évoquer la figure de cet évêque de Genève du début du XVIIe siècle. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. On parle beaucoup de saints en ce moment. C'est vrai. Saint-François Xavier l'autre jour, Saint-François de Sales aujourd'hui. Alors le hasard faisant bien les choses, à moins que ce ne soit la Providence, Patrick de Gmelin fait paraître demain chez Omnibus une biographie du fondateur avec Jeanne de Chantal de l'ordre de la Visitation. Ça s'intitule François de Sales, le gentilhomme de Dieu. Et nous allons donc partir, si je comprends bien, pour les Alpes et la Savoie cet après-midi. Genève, Annecy. Et Annecy, que Lorena Martin connaît comme sa poche. Nous ferons aussi un retour de fin d'émission sur cette phrase historique de Louis XVI. Il n'y a plus de roi en France. Au cœur de l'histoire, sur Europe 1. Franck Ferrand. Nous sommes donc au sud du lac d'Annecy en ce printemps 1592 et c'est un printemps particulièrement joyeux au château de la Tuile puisque la famille de Sales, noble famille s'il en fut, retrouve son fils aîné François qui était parti depuis de longues années faire à l'étranger ses études. On l'accueille avec transport, on le regarde avec une fierté justifiée puisque ce jeune homme de presque 25 ans a tenu toutes ses promesses. Alors d'abord, côté physique, sa taille en impose. Son long visage est plutôt agréable. Il a des cheveux clairs qui soulignent une douceur naturelle. Deux détails cependant. Il porte depuis longtemps la tonsure, pour des raisons religieuses, ce qui est possible pour un laïc. Et il louche un petit peu. Surtout, l'adulte qui revient auprès des siens impressionne par sa stature intellectuelle. Il a suivi de brillantes études en droit, en théologie, études menées à Paris, puis à Padoue, et qui ont fait de lui un esprit agile, cultivé, accompli. Bref, voyez, c'est un avenir brillant qui s'ouvre devant François. Et son père est le seigneur de Boisy, a conscience de tout cela. Il se réjouit, bien entendu. Il entend établir son fils. L'établir, ça veut dire le marier et le lancer dans la carrière. Quelle carrière ? Carrière juridique, évidemment. Il voudrait même faire de lui un sénateur, ce qui en Savoie constitue la dignité la plus haute. Il y a cependant un problème de taille, c'est que depuis l'enfance, et sans que son père en ait eu vent, François songe à autre chose. Ce qu'il veut, lui, c'est être un jour ordonné prêtre. Ce qu'il veut, c'est consacrer sa vie à Dieu. Il n'empêche, le seigneur de Boisy lui continue sur sa lancée, il avance ses pions, si je puis dire. Une certaine Françoise Suchet de Mirbel, qui à 14 ans lui paraît le meilleur parti possible pour son fils. Et François ne peut pas vraiment éviter la rencontre. Ça se passe assez mal, disons-le. Le jeune homme n'y met aucun enthousiasme et l'on peut dire qu'entre les jeunes gens, la gêne est palpable. Après deux entrevues assez pénibles, l'affaire, visiblement, ne pourra pas aboutir. Alors, François semble peiné à s'opposer à son père, qui avait pour lui une voie toute tracée. Bientôt, il est inscrit au barreau de Chambéry et faute de dire ce qu'il ressent à son père, eh bien, il se dit qu'il pourra se laisser entraîner dans cette vie dont il ne veut pas. Il y a quand même un côté, en apparence, dans un premier temps, assez passif chez ce jeune homme. Et c'est alors que serait survenue une péripétie volontiers reprise par les hagiographes, ai-je besoin de vous le dire. Il est à cheval, François. Et il est victime d'une chute pour le moins surprenante. Mais c'est un chemin de Damas, me dites-vous, c'est Saint-Paul. Je cite Patrick de Gmelin. Bon cavalier, il se relève aussitôt, mais remarque que son épée s'est détachée et gît sur le sol, sortie de son fourreau, avec lequel elle forme comme une croix. Il la ramasse sans s'en préoccuper, remonte en selle. Mais un peu plus loin, nouvelle chute. Nouvelle formation en croix de son épée et du fourreau. Il est peut-être intrigué, il l'est certainement lorsque l'incident se répète une troisième fois, entre parenthèses, quel cavalier. François se rend à l'évidence, il va bien devoir aller au bout de son destin, il lui faut affronter son père et bientôt décliner l'offre qui lui est faite de devenir sénateur. Alors cependant, il peut compter sur des alliés dans la confidence. D'abord, sa mère lui fait fabriquer une tenue d'ecclésiastique. Donc ça veut dire qu'elle est tout à fait d'accord, elle. Son cousin, Louis de Sales, qui lui-même est prêtre, convainc l'évêque de Genève, Monseigneur de Granier, d'agir pour faire de François le nouveau prévôt du chapitre de Saint-Pierre de Genève. Il faut quand même préciser que Genève, à l'époque, est complètement acquise au protestantisme. Vous voyez l'époque dont je vous parle. Genève est devenue la capitale des calvinistes. Les dignitaires catholiques ne siègent donc plus à Genève. Et c'est ainsi que l'évêque de Genève se trouve à Annecy à l'époque. Il ne reste plus qu'à convaincre le seigneur de Boisy. Quand François ose enfin lui parler de son désir d'être d'église, la réaction n'est pas bonne. Vous imaginez, ce père a tellement rêvé à autre chose depuis si longtemps pour son fils. Il est âgé, ce père. Il s'inquiète pour l'avenir de la famille. Il ne comprend pas que ce fils, tellement doué, se détourne des opportunités incroyables qui s'ouvraient à lui. Et François explique, il rassure, il argumente. Non, sa vocation sacerdotale n'a rien d'une toquade. Il pense réellement suivre un appel de Dieu. Et que voulez-vous que fasse le seigneur de Boisy? Bon gré mal gré, il se laisse convaincre. La bénédiction paternelle sera même finalement obtenue. Et dès lors, tout s'accélère. François reçoit les ordres mineurs en juin 1593. 6 mois plus tard, ça y est, il est ordonné prêtre. Ça, c'est l'aboutissement, vous me direz. Quoique, déjà, ses talents sont remarqués. Son intelligence, son dévouement, sa modestie qui étonne tout le monde. Rien chez lui ne semble ordinaire. Le jeune homme prêche et prêche avec adresse, que dis-je. Il prêche avec puissance. Voici ce que précise un auteur quasiment contemporain. Il avait une voix forte et intelligible, le style élégant, les termes propres, les paroles claires, les conceptions hautes et divines, la façon de traiter les matières si facile que chacun s'en rendait capable, accompagnant son discours d'un geste grave qui néanmoins ne tenait pas du fâcheux ou du sévère. Vraiment, on peut dire que nous sommes en présence du plus grand des orateurs. François va avoir besoin de toutes ces qualités puisque l'année qui suit son ordination, on pense à lui pour une mission vraiment délicate. Sur la rive sud d'un autre lac, le lac Léman, la région du Chablais, est passée presque entièrement au calvinisme. La religion protestante est en train de gagner du terrain. Il y a cette occupation bernoise, il y a l'influence de Genève, toute proche bien entendu. Mais le duc de Savoie, qui appartient le Chablais, n'a pas l'intention de se résigner à ce changement de religion. Lui a bien l'intention de maintenir et, si possible, de diffuser à nouveau le catholicisme. Et Monseigneur de Granier va désigner pour accomplir ce qui apparaît comme une mission, le jeune, l'habile François. Il y a beaucoup à perdre dans une entreprise si ardue. Le seigneur de Boisy est outré, lui. Il ne veut pas que son fils soit envoyé là-bas. Il implore à genoux l'évêque de renoncer. Mais pour François, c'est une question de devoir. Et ce devoir, il a bien l'intention de le remplir. Quelles que soient les difficultés. Et croyez-moi, des difficultés, il va y en avoir. Un extrait de Jésus, que ma joie demeure, la cantate religieuse de Bach à l'instant sur Europe 1. Restez avec nous, Franck Ferrand vous emmène cet après-midi au cœur de l'histoire de François de Sales. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Alors cet après-midi, nous sommes à la fin du XVIe siècle, en Savoie, sur les traces de François de Sales. Il est devenu prêtre à 26 ans, on l'a vu, malgré les réticences de son père. Très vite, il est envoyé dans le Chablais. C'est une région protestante. Alors du coup, son but, c'est de ranimer la flamme du catholicisme. On peut dire, Franck, qu'avec cette mission, il s'inscrit pleinement dans la logique de la contre-réforme. Exactement, c'est ça. C'est cette période qui suit le Concile de Trente. Il s'agit de répondre. L'Église est là pour répondre à cet extraordinaire développement du protestantisme. On ne parle plus aujourd'hui de contre-réforme. On a pris l'habitude de dire la réforme catholique, pour des raisons qui seraient un peu longues à expliquer ici. Le Chablais est une région qui est en train de devenir protestante, mais qui, évidemment, par essence, était au départ catholique. Alors, à l'époque de François, ce mouvement de contre-réforme est très avancé. Le Concile de Trente est terminé depuis 1563. Il a donné vraiment une impulsion très vigoureuse et il y a des ordres très actifs qui ont été créés. Nous parlions l'autre jour de François Xavier et de son voyage au Japon. Rappelez-vous l'ordre des Jésuites, la Compagnie de Jésus, qui joue un rôle absolument essentiel. Alors, en allant dans le Chablais, François se sent investi d'une grande mission, puisque pour lui, épouser la religion qu'on appelle en France prétendue réformée, pour lui c'est une erreur, c'est une grande erreur. Et donc, son but est de tirer des gens de l'erreur, c'est ça, c'est en tout cas la mission telle qu'il la conçoit. Il faut soutenir aussi les quelques catholiques qui restent dans le Chablais. C'est Patrick de Gmelin qui précise, je cite, « En 1594, les catholiques, pour rares qu'ils sont, une centaine, sont pourchassés, brimés. Les églises sont en ruine, les autels et les croix renversées, les statues brisées ou brûlées. Les catholiques sont contraints sous peine d'amende d'aller écouter les prêches des pasteurs. » Pour le duc de Savoie, fervent catholique par ailleurs, ça ne peut pas durer. Seulement, aussi motivé que soit ce prince, les moyens dont dispose François sont très modestes. Quand il prend à pied la route du Chablais, on est donc là en septembre 1594, le seul prêtre qui l'accompagne, c'est son cousin Louis de Sales. Alors ils sont de résolus, tous les deux ils sont déterminés, mais enfin on a envie de dire qu'ils sont un petit peu seuls. À leur arrivée, ils sont reçus dans une forteresse par le maître des lieux, qui est un baron catholique. Il ne serait pas prudent pour un papiste, comme disent les calvinistes, de loger au milieu des protestants. Le plan de François, c'est d'aller tous les jours à Thonon. Thonon, c'est la capitale du Chablais. Alors, bien entendu, les deux prêtres ne sont pas les bienvenus à Thonon, et d'autant que François n'a pas du tout l'intention de faire profil bas. Il sait qu'en principe, un accord permet aussi des prêches catholiques dans l'église Saint-Hippolyte de Thonon. Et dès qu'il peut, il s'y rend et il commence un prêche. Voyez un petit peu l'audace du personnage. Déjà, les protestants témoignent de leur colère en se répandant en bruit, calomnie, ricanement, raconte Patrick de Gmelin. Et l'on entend sur le chemin des deux prêtres des cris ironiques, louche, louche, pour se moquer de ce fameux strabisme divergent qui afflige François. Celui-ci réconforte son cousin Louis. « C'est maintenant qu'il faut avoir du courage, dit-il. Et pourvu que vous n'ayez point peur, vous verrez que nous ferons beaucoup. » Les premiers mois que va passer François en Chablais ne sont pas très encourageants. Il n'y a pas grand monde qui ait l'air prêt à repasser au catholicisme. Et puis, il y a ses voyages quotidiens à pied en plein hiver dans cette région montagneuse, malaisée, si souvent enneigée. C'est épuisant, c'est dangereux. Un jour, François aurait même été attaqué par une meute de loups. Il se serait réfugié en toute hâte dans un arbre où il aurait dû passer la nuit entière. Ce sont des villageois, entre parenthèses protestants, qui vont le trouver et qui vont le secourir. D'autres, parmi ces protestants-là, sont d'ailleurs moins charitables, puisque certains vont jusqu'à le menacer physiquement, et ça n'a pas lieu une fois, c'est régulier cette affaire. Il a même un jour échappé à des tirs d'armes à feu. Et malgré tout, il est là qui ne baisse pas les bras. Il sait qu'il peut convaincre, il est à l'écoute d'idées novatrices pour tenter d'atteindre cette population qui paraît bien décidée à ne pas l'écouter. Et c'est ainsi qu'il va se lancer dans l'élaboration de documents qu'on va pouvoir distribuer, des tracts si vous voulez. Il écrit des textes brefs, incisifs, éloquents, il y a quelque chose quasiment de journalistique dans ce style. C'est assez étonnant, on est au tournant du XVIe-XVIIe siècle. Et puis, lui et un petit groupe de catholiques recopient patiemment les petits textes en question et ensuite, eh bien, on les distribue. On n'utilise même pas l'imprimerie, on n'en a pas à disposition. Il décide aussi au début de 1595 de vivre pleinement à Thonon et il célèbre désormais une messe régulière dans un village voisin, parce que quand même dans la ville, c'était trop délicat à faire. Et bon an, mal an. On va voir notre François recevoir des signes encourageants. Certains commencent à s'intéresser à ce qu'il a à dire, d'autres sont sensibles à son statut d'aristocrate issu d'une lignée très bien positionnée en Savoie. Il y a un avocat influent qui se lance même dans des conversations théologiques avec lui. L'homme écoute les arguments de François et il finit par sauter le pas, puisqu'il demande à revenir dans le giron de Rome. Ah ça, on dirait que c'est un succès bien circonscrit, bien limité. Mais ça n'en est pas moins un succès. L'énergie de François n'en faiblit pas moins par moments. Son moral aussi, disons-le, les menaces contre lui ne cessent jamais. Par ailleurs, les moyens alloués par le duc de Savoie restent des moyens relativement négligeables. Certains voudraient organiser une disputatio, vous savez, une dispute publique, une sorte de grand débat sur des points de théologie. Il y aurait d'un côté François, de l'autre un pasteur protestant local. Seulement, les protestants n'ont pas l'air tellement désireux d'aller se frotter à ce débatteur redoutable et à la solidité de sa formation de prêtre catholique. Il a par ailleurs, vous savez, ce talent de prédicateur qui fait fureur. Bien sûr, les activités de François commencent à agacer, à intéresser et à émouvoir les jeunes voix. Là, un théologien qui s'appelle Lafaille semble prêt à un débat public et puis le débat n'a pas lieu. C'est donc François qui vient à la rencontre de Lafaille à Genève. Et cette fois, on peut dire que c'est un adversaire brillant contre lequel il va devoir disputer publiquement. On pourra pas aller jusqu'au bout d'ailleurs, mais peu importe. François a pu faire entendre, si j'ose dire, son son de cloche catholique dans une capitale calviniste. Et au fil du temps, la réputation du prévôt de Sales est en train de se renforcer. Les conversions augmentent en pays chablais. François est bientôt convié à Turin par le duc de Savoie pour faire état de ses succès, pour demander à être mieux épaulé aussi et de retour à Thonon. Il a bien l'intention d'aller plus loin, de poursuivre son action vigoureuse. Alors, il va jusqu'à célébrer la messe de Noël 1596 à Thonon même, dans un climat d'hostilité palpable. Il y a des dents qui grincent, si je puis dire. L'atmosphère est pleine de tensions. Décidément, les catholiques du Chablais sont en train de faire machine arrière. Ils reprennent, ils regagnent du terrain progressivement. Et en parallèle, le pape a chargé François d'une grande, d'une ambitieuse mission. Oh ben disons-le, c'est une mission complètement folle, puisque ce que voudrait le pape, c'est que François obtienne l'abjuration de celui qui n'est autre que le compagnon et le successeur de Calvin, Théodore de Bèze, en personne. Cet après-midi, Franck Ferrand vous emmène au cœur de l'histoire de François de Sales. François de Sales qui reçoit une mission difficile et risquée, ranimer la flamme du catholicisme dans le Chablais. La suite, c'est dans un instant sur Europe 1. Et vous le savez, vous pouvez poser vos questions à Franck Ferrand et son invité. Rendez-vous sur Twitter avec le hashtag ACDH et sur la page Facebook au cœur de l'histoire. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1 au cœur de l'histoire. Nous sommes au cœur de l'histoire de François de Sales. Le pape a chargé François d'une mission ambitieuse, oui, peut-être un peu folle. Il doit obtenir l'abjuration de Calvin, enfin de Théodore de Bèze lui-même. Oui, c'est ça, qui est le successeur hein, de Calvin. Théodore de Bèze, c'est grande figure du calvinisme. Alors, on est là en 1597 et François va donc se rendre à Genève. Évidemment, il doit faire tout ça dans le plus grand secret. On ne sait même pas ce qu'il adviendrait de lui si c'était découvert. Vous imaginez, Bèze est cette figure extraordinaire avec autour de lui toutes sortes de personnes qui surveillent et qui le protègent. Il est assez difficile d'accès pour François. Mais enfin, en avril, François parvient à se frayer un chemin jusqu'au grand théologien. Théodore de Bèze l'accueille, affable. On se rappelle l'époque où Théodore de Bèze négociait avec la reine régente Catherine de Médicis. Médicis. Hein. On peut penser que les deux grands esprits, d'une certaine manière, se reconnaissent. La conversion de Théodore de Bèze est extrêmement hypothétique, mais enfin, bon, pourquoi pas. Alors, de quoi est-ce qu'on parle? De toutes sortes de sujets. François aurait demandé « Monsieur, peut-on faire son salut en l'église romaine ?» La question est grave et le calviniste prend son temps pour réfléchir, prend son temps pour répondre. Et il finit par lancer « Certes, je vous réponds affirmativement, pardon, il est ainsi sans doute et on ne peut nier avec vérité qu'elle ne soit la mère Église. » Ça, c'est le point de départ d'une discussion intense, fructueuse, animée, qui se tend par moments. Bèze, qui est assez irrité sur le fond, propose néanmoins à François de revenir le voir dans l'avenir. Et on se dit qu'après tout, une brèche est peut-être ouverte. En fait, non, la brèche n'est pas ouverte. D'autres rencontres vont suivre, mais elles ne seront pas concluantes. Et Théodore de Bèze, évidemment, va rester calviniste. La réussite de François, si j'ose dire, il faut aller la chercher ailleurs. Ailleurs dans sa mission initiale, rappelez-vous, on lui avait donné pour mission de convertir le Chablais. Eh bien là, oui, un certain nombre d'habitants sont revenus dans la communion romaine. Il y a quelques tensions, évidemment, qui subsistent, mais globalement, François s'est imposé. Ses conseils sont appréciés, sa stature est maintenant reconnue, et à Thonon, on accepte ses messes. Il y a même des fidèles qui maintenant y courent à ses messes. Certains lui prêtent un miracle à peu près à cette époque. Il aurait redonné vie au nourrisson d'une femme calviniste. Ça c'est bon pour les hagiographes, si je puis dire, hein, évidemment. Au cours de l'année 1597, il est de plus en plus clair que François va être appelé à des fonctions éminentes, à des fonctions qui le conduiront ailleurs. Il sera sous peu nommé coadjuteur de l'évêque. Il apparaît déjà comme son héritier. Sa mission en Chablais n'est pas tout à fait terminée. Et il y a là un triomphe qui l'attend. François organise, on est en septembre-octobre 1598, il organise de grandes festivités à Thonon, des fêtes religieuses bien entendu, marquées par de nombreuses et nouvelles conversions. Une partie de l'événement a lieu en présence du duc de Savoie et du cardinal de Médicis, qui est en France le légat du pape. Les rues de Thonon sont richement pavoisées, raconte Patrick de Gmelin. Les tentures pendant aux fenêtres, aux balcons, la liesse populaire est complète, même avec les calvinistes qui ne peuvent faire autrement que d'acclamer au moins leur duc. Celui-ci prend alors François de Sales par la main et le présente au légat. « Monseigneur, voici le véritable apôtre du Chablais. Vous voyez un homme qui a planté en cette province la croix et la foi de notre Seigneur. En ce qui me regarde, j'ai apporté ici mon épée pour seconder ces saintes entreprises, mais il n'y a personne qui puisse nier que toute la louange de cette bonne œuvre ne lui soit due. » Voilà ce qui s'appelle un hommage absolument dans les formes de la part du duc de Savoie. Et en même temps, un hommage qu'il faut prendre pour ce qu'il est. Il y a une forme d'ambiguïté dans ses propos. Après tout, le duc de Savoie va prendre des mesures très dures contre les protestants. On est toujours dans une période de grande intolérance réciproque. Quoi qu'il en soit, François a gagné ses galons, si je puis dire. Il est devenu véritablement, et à sa manière, il est devenu l'homme de la contre-réforme. Pourtant, à ce moment-là, vous pourriez penser qu'il a achevé son parcours d'une certaine manière. Non, pas du tout. Il n'est qu'au tout début de son incroyable itinéraire, comme vous allez le voir avec mon invité dans un instant. Bonjour Patrick de Gmelin. Bonjour François. Nous sommes beaucoup inspirés de cette biographie François de Sales, le gentilhomme de Dieu, publiée chez Omnibus. Et nous ne sommes qu'à, j'allais dire quoi, un tiers du livre. Il y a encore beaucoup de choses à raconter sur François de Sales, qui en quelque sorte a fait ses classes. Là. C'est un peu le bizutage, si je puis dire, cette période dans le Chablais. D'une certaine manière, mais il y a gagné aussi une grande audience, car on le connaît maintenant. On le connaissait déjà comme descendant de la famille de Sales, c'est une chose. On le connaît maintenant comme prévôt, comme futur évêque, et tout ce qu'il dit est important, et sera important même jusqu'à la cour de France, on le verra plus tard. Donc maintenant, il est prêt, effectivement, à faire d'autres choses. Le Chablais est une partie de sa vie, très importante. Mais ce qui va se passer maintenant est encore plus important. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes sommes au cœur de l'histoire de François de Sales cet après-midi sur Europe 1. Et pour aller plus loin dans l'histoire de ce prêtre, eh bien vous recevez aujourd'hui Franck Ferrand, Patrick de Gmelin. Il est historien et il est l'auteur de François de Sales, le gentilhomme de Dieu, qui sortira demain chez Omnibus. Alors, il faut dire que ce gentilhomme de Dieu est une biographie. Patrick de Gmelin, ce n'est pas une hagiographie, même si c'est la vie d'un saint. Faut expliquer la différence entre les deux exercices. Elle est d'autant plus importante, cette différence, que dès le début de mon travail, qui remonte à fort longtemps, j'ai dû me battre. Oui, on sent que c'est l'œuvre d'un... Pas tout à fait une œuvre de longue haleine. Puisque j'ai été élevé à Saint-François-de-Sales, et m'est resté de quoi écrire un livre, finalement. C'est pas fréquent. C'est bien. Mais dès le début, j'ai dû me battre contre les hagiographies. Il y a beaucoup de livres qui sont sortis sur Saint-François-de-Sales, dès le XVIIe siècle. Or, la grande majorité sont des hagiographies, c'est-à-dire que le saint est au-delà de la sainteté. Il est beau, il est intelligent, il fait des miracles en claquant des doigts, dès l'âge pratiquement de 3 ans. Oui. Et tout est comme ça. Et racontez l'anecdote de la nourrice, par exemple. Ah, c'est extraordinaire. L'enfant a 3 ans, il se promène, même peut-être un peu plus jeune, avec sa nourrice près du château de Thorens, et puis brusquement passe sur le chemin un enfant qui est très, très misérable, en mauvaise santé. Et à en croire les hagiographes, le petit François dit à sa nourrice de prêter le sein à ce jeune garçon pour lui donner du lait et qu'il soit nourri. Et ça a été cru, pris, repris, raconté. Et ce n'est qu'une des multiples anecdotes hagiographiques. Et comme le problème de beaucoup d'historiens, je ne dis de méchanceté sur personne, c'est de recopier ce qui a été dit par les prédécesseurs, je me suis trouvé devant des biographies, même relativement récentes dans le temps, c'est-à-dire fin 19e ou début 20e, où tout ça a été repris. Et j'ai eu ce sentiment assez délicat, ça ne m'était jamais arrivé, de devoir commencer par couper tout ce qui était les hagiographies pour revenir à l'origine de l'histoire. Mais c'est peut-être ce qui, pour moi, en tous les cas, faisait l'intérêt de mon travail d'historien. Avec quelque chose de très concret, vous nous racontez en quelque sorte le quotidien de cet homme, ce François de Sales, donc d'une grande famille. N'oublions jamais que c'est comme vous le dites dans le sous-titre, c'est un gentilhomme. Ah, c'est un gentilhomme, et c'est une chose qui compte encore plus à l'époque que maintenant, bien sûr. Mais sa famille, qui n'est pas une très grande famille, c'est une très bonne famille, qui a de l'argent sans plus. On aime faire des mariages d'argent parce qu'on en a besoin. Mais il joue un rôle important dans toute la région. Et François de Sales a la conscience absolue d'être le descendant de cette famille. Il le sait, tout le monde autour de lui le sait. Et il va s'en souvenir toute sa vie de prêtre, d'évêque, même si il est très proche des pauvres et des humbles, et s'il est saint, effectivement. Et est-ce qu'il n'a pas le sentiment tout de même toujours d'avoir déçu son père? Parce qu'il y a eu ce problème. Alors même. Je pense que ça l'a, il ne me l'a pas confié personnellement, je ne l'ai pas vu en songe, mais il est vrai qu'au moins pendant les premières années, contrarié les ambitions légitimes de son frère, de son père en tant que chef de famille. Et c'est une chose qu'il a sûrement contrarié, mais il restait ferme sur ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire devenir prêtre. Il a eu du mal, mais il y est arrivé et ça a donné toute sa vie par la suite. Et c'est vrai que sa vie quotidienne est une chose importante. Je ne suis pas du tout un exégète, je ne suis pas capable de parler de spiritualité comme un théologien, ce n'est pas du tout mon truc, comme on dit. Non, du tout, oui. Et ce qui m'intéresse dans les personnages que j'étudie, et au premier rang desquels François de Sales aujourd'hui, c'est derrière le saint, derrière l'évêque, derrière le prêtre, il y a la vie de l'homme au quotidien, dont on ne parle pas assez. Et puis, il y a la vie des hommes et des femmes qui l'entourent. Absolument. On est dans une époque, cette carrière, si j'ose dire, ce parcours de François de Sales, ne naît pas n'importe où, n'importe quand. Nous sommes en pleine contre-réforme, le mot a été prononcé plusieurs fois, ou réforme catholique, si l'on préfère. C'est-à-dire qu'il y a là cette espèce de mouvement, de très grande énergie de l'Église catholique qui essaie de faire face à ce qui, un siècle plus tôt, est apparu sous les traits de la réforme, si je puis Absolument. Dire. Absolument. Et en pensant que cette réforme est apparue parce que l'Église catholique, dans toutes ses composantes, que ce soit les prêtres, que ce soit les moines, que ce soit les religieuses, n'était pas, faut-il le dire, un exemple très performant. Ni de vertu, ni de vertu. Et on peut comprendre, et moi en tous les cas je l'ai compris, que la réforme puisse naître. Or, François, pendant toute sa vie, pendant la contre-réforme, va devoir lui-même se battre contre les restes de ce qui a produit la réforme. Il a lui-même remis à sa place, on peut le dire, des prêtres, des abbayes, il a été maître de l'ordre, et ce n'était pas facile. Et là, il a fait preuve d'autorité, non seulement d'évêque, de dignitaire de l'Église catholique, mais également de gentilhomme et de seigneur. Alors vous dites, oui, toujours cette dimension nobiliaire, toujours, d'une certaine façon. À l'époque, ça compte beaucoup. Bien sûr, mais vous venez de dire qu'il est évêque. Moi, je l'ai laissé coadjuteur, c'est-à-dire adjoint, si l'on veut, de l'évêque. Oui. Il va devenir l'évêque en titre. Il va devenir l'évêque en titre au moment où son prédécesseur meurt. Et il faut dire une chose qui est assez extraordinaire, et là, je ne crois pas qu'il y ait simplement de la géographie. Beaucoup de gens, dès qu'il est devenu prévôt, c'est-à-dire le deuxième personnage du diocèse, beaucoup de gens ont vu en lui le successeur de l'évêque en titre, et l'évêque lui-même. Et on a un certain nombre d'histoires merveilleuses où il rencontre des gens, y compris des gens importants, qui disent « Vous serez évêque un jour, vous prendrez la place de l'évêque actuel. » Donc, inconsciemment... On voit bien qu'on a affaire à quelqu'un qui n'est pas classique. Il est hors du commun. Oui, hors du commun. Et je pense aussi, et ça c'est tout à fait anti-hagiographique, qu'au fond de lui-même, l'homme qu'il est, n'est pas totalement mécontent de grimper dans la hiérarchie, surtout que vis-à-vis de sa famille, il et doit voilà, toujours jouer cette son histoire. Rôle, et il n'est pas contre ce rôle. Simplement, il ne veut pas trop en faire. Quelque part quand même, c'est comme quand le roi de France veut lui proposer de venir en France par la suite et de lui donner le chapeau d'évêque de Paris, ce qui voulait dire le cardinal à terme. Oui. Il n'a pas tellement envie, on dit officiellement par modestie. Moi, je dis qu'il y a la modestie peut-être, mais il y a aussi, on est mieux le premier dans son village que le second à Rome. Il est le premier à Annecy et dans tout son diocèse. À Paris, il serait peut-être confronté à d'autres personnes. Ce n'est peut-être pas très hagiographique ce que je dis, mais il n'est pas impossible que son sentiment ait été dans cette direction également. Réglons la question de la Savoie, de la France, de cette République de Genève. Ça n'est peut-être pas toujours très familier pour tous nos auditeurs. Non. Alors, dans quel contexte sommes-nous là ? Alors, François de Sales est un Savoyard. Il dépend du duc de Savoie. La Savoie, à l'époque, est un État indépendant. C'est un duché indépendant. Mm-hmm. Il va falloir attendre Napoléon III pour que la Savoie soit reliée à la France. Une partie d'entre elles. Et pendant toute cette période, François de Sales va s'estimer, se proclamer et même se défendre. Il est Savoyard, puisque certains vont dire qu'il trahit son duc en parlant avec le roi de France, comme s'il était acheté. Il va devoir se défendre. Mais non seulement il parle, mais il écrit en français, ne l'oublions absolument pas. Non. Il écrit en français, qui est la langue à l'époque de tout le monde, et en Savoie également, mais il reste savoyard et c'est une chose dont il faut se souvenir, d'autant plus que quand on va actuellement en Savoie, à Annecy, ce particularisme existe encore bien sûr, un peu. Bien sûr. C'est très net. Et il suffit d'aller à Annecy pour le voir, on est aux portes de Genève, bien sûr, et Genève, c'est le bastion du calvinisme, c'est-à-dire c'est la pointe avancée de la réforme. C'est la pointe avancée de la réforme, et c'est là qu'on peut s'étonner de voir cet homme, ce grand saint, cet homme généreux, avoir un objectif extrêmement furieux, abattre les calvinistes, et il n'aime pas les calvinistes. Il ne les traite pas comme des gens qu'il faut caresser dans le sens du poil pour en faire des bons catholiques. Tout calviniste, pour lui, est un ennemi spirituel, alors que souvent on le considère comme un ennemi même physique, vous l'avez dit tout à l'heure. Mais c'est assez drôle de voir que cet homme considère les calvinistes comme des ennemis au sens vrai du terme. Alors, nous allons dans un instant voir à quoi ressemblait la vie quotidienne de saint François de Sales, puisque c'est ce que vous nous racontez dans cette biographie parue chez Omnibus. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et nous sommes au cœur de la vie de François de Sales cet après-midi sur Europe 1 avec votre invité Franck, l'historien Patrick de Gmelin, qui est aussi l'auteur de la biographie François de Sales, le gentilhomme de Dieu. Une biographie que vous découvrirez dès demain et qui paraît chez Omnibus. C'est non seulement un grand prédicateur, mais c'est un remarquable évêque et un évêque très proche de ses ouailles, si je puis dire, ce François de Sales. Très très proche. Au point que on le voit non seulement se promener dans les rues d'Annecy, parler aux enfants, parler aux gens, c'est un personnage important. Mais il y a une anecdote qui, à mon avis, est très très caractéristique. Un jour, il est dans son évêché, qui existe toujours, le deuxième, et on le voit par la fenêtre. Il est en train de prier ou de lire quelque chose. Et il y a une brave dame d'Annecy qui arrive, qui a besoin de se confesser, et elle fait des signes avec la main jusqu'à temps que... Du genre ohé ohé. Jusqu'à temps que l'évêque la voit, et elle lui fait signe de descendre. Et lui se lève, laisse ce qu'il faisait, descend de l'évêché, va voir cette dame, qui lui dit sans doute « Monseigneur, je voudrais me confesser ». et il l'emmène, il la confesse. On imagine la scène maintenant. Et il y a aussi ce gentilhomme qui le surprend, si l'on peut dire, en train de raccommoder ses autres choses. Ah, ça c'est extraordinaire. Un jour, ce gentilhomme rentre dans la pièce où François de Sales doit se tenir et il voit l'évêque qui est en train de ravauder quelque chose. Il dit, mais monseigneur, qu'est-ce que vous faites? Et il est en train de ravauder ces autres choses qui sont un petit peu abîmées, rapiécées. Il lui dit, mais enfin, ce n'est pas à vous de faire ça. Parce qu'il vivait dans la plus grande simplicité, absolument. Il faut dire. Dit, si je les abîme, c'est à moi de les raccommoder. Mais, et d'ailleurs, il n'y a pas d'ostentation de pauvreté. Jamais. Hein, c'est simplement de la simplicité. De la simplicité, tout à fait. De temps en temps, il s'habille quand même en évêque, avec des belles étoffes, mais ce n'est pas pour lui essentiel. Oui. Alors, on peut dire que cet évêque va aussi être en quelque sorte un professeur. Oui. Il va aider d'autres prêtres à s'installer. Il va écrire un traité du sermon, d'ailleurs. Hein. Un traité du sermon qu'il destinait au frère de Jeanne de Chantal, Monseigneur Frémiot, qui avait été nommé archevêque de Bourges. Et il avait été sacré, mais il ne savait pas dire la messe. Alors, dans un premier temps, François de Sales va lui apprendre à dire la messe. Et puis, comme il prêche bien, Monseigneur Frémiot lui dit « Mais Monseigneur, est-ce que vous pouvez m'envoyer quelques conseils ?» Et les quelques conseils se passent en 15 pages très serrées qui sont devenues un espèce de traité du sermon. Ça a été considéré comme tel, avec tout ce qu'il faut faire et ne pas faire, y compris taper de son ventre contre la chair. Il aborde tout, le ton, la gestuelle, c'est assez extraordinaire, mais c'est un véritable traité. Donc c'est un conseil pour les prêtres. Le grand écrit de François de Sales, c'est évidemment l'introduction à la vie des votes. Donc ça, c'est son maître livre qu'il a fait grâce aux lettres qu'il envoyait à l'une de ses protégées, qu'on appelait Philothée, Madame de Boisy. Et c'est un des prêtres qui, étonné de voir la science de cette femme, qui a dit « Mais d'où la sortez-vous ?» Mais des lettres que m'adresse François de Sales. Et ce prêtre est devenu un espèce d'éditeur. Il a dit « Monseigneur, il faut que vos lettres soient publiées. » Alors François de Sales a fait comme tous les auteurs, il a corrigé, etc. Le livre est sorti et ça a été un succès immédiat. Il y a une pensée salésienne. Pensée salésienne, il y a une philosophie salésienne, il y a une spiritualité salésienne qui a été étudiée par des gens infiniment plus savants que moi. Ce qui est extraordinaire, c'est que tout ça date du début du XVIIe siècle et que l'introduction à la vie des votes est encore, en 2018, l'un des livres les plus édités au monde. Incroyable. Rien qu'à la Bibliothèque nationale de France, il y a actuellement 216 éditions différentes dans toutes les langues. Et ça a eu une influence très considérable sur tout le grand siècle. C'est-à-dire qu'on peut dire que tout le XVIIe siècle est d'une manière ou d'une autre salésien ou anti-salésien, peu importe. Mais en tout cas, cette introduction à la vie des votes a joué un rôle essentiel. Et puis, il y a la création de l'ordre aussi. Vous parliez de Madame de Boisy. Il y a des dames que l'évêque aime particulièrement, avec lesquels en grande amitié, et c'est le cas de Jeanne de Chantal. Il est entouré de femmes de la haute société, parce que c'est comme ça. On ne peut pas dire qu'il va les choisir, c'est comme ça. Et parmi elles, il y a Jeanne Frémiot, qui est devenue baronne de Chantal, dont la petite fille sera Madame de Sévigné, les lettres sont toujours présentes. Et il rencontre cette femme à Dijon, lors d'un prêche. Il y a quelque chose qui se passe entre eux, ce que j'appelle une amitié fusionnelle, car en dehors d'une époque... Une sorte de coup de foudre amical. Ah, c'est un coup de foudre amical et spirituel. Et ils vont créer à deux cet ordre de la Visitation qui est toujours vivant et dans lequel ils jouent un rôle considérable. Elle est une véritable chef, non pas de gang, mais de chef d'ordre. Et François est le chef aussi et l'inspirateur. Ils vont y travailler beaucoup et cet ordre va persister, perdurer jusqu'à nos jours. Les visitandines. Les visitandines. Les fameuses visitandines, d'où la pâtisserie qui effectivement a été créée par les visitandines. Il ne faut jamais laisser ce côté-là, du moins ce qui me concerne. J'étais sûr que vous feriez l'allusion. Mais oui, mais on me connaît. Je suis comme François de Sales, je suis grand, un peu fort, mais je n'ai pas de strabisme. Mais oui, c'est ça. Et lui, c'était un strabisme divergent. Divergent. On imagine à peu près ce que ça doit donner. Hein. Les yeux qui vont légèrement un petit peu de côté comme ça. Il était grand, grand, fort, roux. Il avait du ventre. Oui. Il avait une très mauvaise circulation des jambes, toujours comme moi, quand il montait à cheval. Vous êtes sa réincarnation. Ah mais c'est absolument, c'est pour ça que j'ai écrit le livre d'ailleurs. Et quand il montait à cheval, il posait sa jambe droite sur l'arçon de la selle, parce que ça lui faisait très mal. Et à la fin de sa vie, il se déplaçait avec beaucoup de difficultés. Ah oui, c'était une sorte de colosse de géant. Ah, c'est une colosse. Et je pense, d'après mes études, est-ce qu'on a des vêtements de lui, qu'il mesurait entre 1m85 et 1m97. Oui, c'est ça. Très grand. D'autant plus pour l'époque. Hein. C'était d'autant plus pour l'époque. Sorte de géant. Comment est-ce qu'il finit, ce géant, si je puis dire, en 1622? Eh bien, ce géant finit... j'allais dire qu'il mourrait presque d'un coup de froid, en fait. Il était assez malade. Il meurt à Lyon. Il a été voir le roi de France, qui remontait d'Avignon. Il l'a rencontré, il a parlé avec lui, il a rencontré Richelieu, avec qui il a eu des échanges. Saint-Vincent de Paul, il n'était pas encore saint, et qui a pris d'ailleurs sa tête, à sa suite, à la tête de la Visitation. Il rentre à Lyon, et il meurt à Lyon, tout près de la place Bellecour, d'ailleurs, dans un endroit qu'on connaît bien, qui a disparu, mais on connaît bien. Il est dans l'humble cahute du jardinier, chez les sœurs de la Visitation, tout le monde vient le visiter. Et il meurt à Lyon. Et les Lyonnais ne veulent pas le lâcher parce qu'on voudrait l'enterrer à Annecy. Mais les Lyonnais, qui sont français et pas savoyards, veulent le garder. Et là, c'est politique parce qu'ils veulent qu'il soit un saint français. Saint parce qu'il est vite canonisé. Il est canonisé très vite. On fait deux procès, pour être plus sûr. Mais il est assez vite canonisé, effectivement. Merci beaucoup, Patrick de Gmelin, d'être venu nous parler de François de Sales, ce gentilhomme de Dieu auquel vous consacrez une belle, une épaisse, une passionnante et foisonnante biographie chez Omnibus. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et il est temps d'aller se balader maintenant dans les régions qu'a traversées François de Sales et dont on vient de parler, Annecy, Genève. Et là, je dois vous dire que mon cœur se serre, parce que nous sommes, à mon avis, dans un des plus beaux endroits de France. Vous imaginez Talloire, le lac d'Annecy, Annecy même. Mais quelle merveille. Bonjour Lorena. Bonjour Franck. J'ai envie de vous parler du coup des trois lieux majeurs liés à François de Sales. À Annecy, vous avez bien sûr la maison et la chapelle de la galerie. C'est là, dans cette maison assez humble, que François de Sales a fondé l'ordre de la Visitation avec Jeanne de Chantal, dont vous venez de parler, qu'il avait installé ses premières religieuses visitandines. Vous avez aussi l'église Saint-François de Sales qui a été construite pour abriter le tout premier couvent de l'ordre de la Visitation, et les reliques de François de Sales sont restées dans cette église jusqu'à la Révolution. Et puis enfin, bien sûr, la basilique de la Visitation. C'est là que se trouvent aujourd'hui les tombeaux de François de Sales et de Jeanne de Chantal, ainsi que le couvent à côté, un musée sur leur vie. Et le couvent a accueilli d'ailleurs les religieuses de la Visitation. On peut faire une visite sur les traces, si je puis dire, sur les pas de... Complètement, il suffit de... Avec Patrick de Gmelin. Pourquoi pas. Et sinon... En faire une peut-être bientôt avec une paroisse. Vous voyez, finalement. Sinon, il faut vous... On va peut-être faire ça. Il faut vous adresser sinon à l'Office du tourisme du lac d'Annecy, et ils mettent en place un circuit de visite consacré à François de Sales. Alors, traversons, si je puis dire, le lac. Allons un peu plus loin, en tout cas. Vers le sud, vers l'abbaye de Talloire. Oui. Merveille des merveilles. On est à 15 minutes d'Annecy, et à l'époque, les moines de cette abbaye étaient en train d'ailleurs de tomber dans la décadence. Ils avaient vraiment beaucoup de privilèges et ils ne servaient plus trop les intérêts de l'église. Et François de Sales avait été missionné pour remettre un peu d'ordre dans cette abbaye. Mais il s'est heurté bien sûr à des moines qui avaient trop de privilèges et vraiment peu enclins à changer leurs habitudes. Et cette abbaye est devenue depuis 150 ans un hôtel moderne. C'est aujourd'hui un hôtel-restaurant-spa 4 étoiles situées au bord du lac d'Annecy, qui est le lac le plus pur d'Europe. Et on est là au creux de la baie de Talloire. On peut y accéder en voiture ou en bateau. C'est le premier hôtel qui a été érigé au bord du lac d'Annecy. Et un hôtel qui a reçu des célébrités comme Churchill, incroyable, comme Mark Twain, comme Paul Cézanne. Qui a peint le fameux lac d'Annecy, lac bleu. Jean Reynaud aussi, qui fait partie des actionnaires de l'abbaye. Et cette année, ils célèbrent leur 1000 ans d'existence. 1000 ans Oui, et on retiendra la date de 1018, où l'abbaye n'est encore qu'un prieuré bénédictin, qui deviendra plus tard donc une abbaye royale au XVIIe siècle. Et il y a notamment une chambre, la chambre du prieur, qui est classée monument historique avec des toiles peintes, des tentures, des boiseries et du parquet d'origine. C'est encore ouvert là Alors c'est fermé puisqu'il profite de l'hiver chaque fois pour être rénové, mais il rouvrira le 9 février prochain. Allez-y, vous pouvez même y aller en tant que simple visiteur, pour, notamment pour des concerts, des expositions et des événements. Merci beaucoup Lorena. Eric nous dit merci pour cette émission sur Saint-François. Ici en Savoie, il a marqué le pays. Une phrase de François reste gravée à jamais. La Savoie est une et indivisible. Ça, les Français l'ont oublié. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et aujourd'hui, vous revenez, Franck, sur les origines d'une phrase. Cette phrase, oui, c'est « Il n'y a plus de roi en France ». Elle a été prononcée par Louis XVI le 21 juin 1791 dans le cadre de l'arrestation à Varennes. Vous pouvez nous rappeler, oui, un petit peu le contexte ? Vous savez, on est à ce moment où le roi estime qu'il n'est plus libre de ses mouvements, qu'il lui faut prendre un peu de latitude. Ça va être ce départ vers Montmédy qu'on appellera la fuite à Varennes, puisque finalement l'équipée royale est arrêtée à Varennes. On est au moment de la nuit la plus longue de l'année. Oui, en fait, du 20 au 21 juin. 1791, c'est la nuit la plus longue. Et oui, c'est la nuit la plus longue. Ce sera peut-être aussi la nuit la plus longue de la vie de Louis XVI et de Marie-Antoinette, d'une certaine manière. Ça a été une horreur. Vous savez, le retour à Paris s'est fait sous les crachats et les huées de la foule. Ça a été terrible. Et au moment où, parce que là, je vous raconte ça en quelques secondes, mais on est chez l'épicier Sauce. Le roi, sa famille sont là. Ils ont été arrêtés, reconnus, arrêtés. On attend l'arrivée des estafettes, des envoyés de l'Assemblée. Et quand ils arrivent avec un décret de l'Assemblée. Le roi le lit. Et c'est à ce moment-là qu'il a cette phrase qui est historique, oui, incontestablement, « Il n'y a plus de roi en France ». Nous nous retrouvons demain, chère Anissa. Nous ne serons pas loin d'Annecy, parce que demain nous irons à une centaine de kilomètres d'Annecy, à Grenoble, et vous allez nous faire revivre les JO de 1968. Eh oui, les Jeux Olympiques d'hiver de Grenoble.